Chapitre deuxième. Après avoir fait jouer le commutateur, le bienfaiteur de l'insouciante jeunesse locale se débarrassa de son raglan et l'accrocha un porte-manteau chevillé au mur, sous une vieille lithographie encadrée. Elle représentait le passage de la Bérésina et le triste spectacle d'un Napoléon frileux, constellé de chiffres de mouches, rappela M. Pervenche la froideur extérieure. Il commença donc par allumer le foyer à gaz, considéra d'un œil ravi les petites flammes vertes et bleues qui dansaient le long des bûches artificielles de l'appareil, puis il rangea dans le tiroir de la commode le thé et les produits pharmaceutiques dont il venait de faire l'acquisition. Son cabinet de travail était sommairement meublé. Il ne contenait, outre la commode en question, qu'un bureau en acajou plaqué, quelques chaises et un coffre-fort mastodontesque. Ce meuble d'acier fait sourire l'apprenti cambrioleur le plus inexpérimenté, car il était d'un modèle périmé et n'offrait aucune garantie contre les fractions. Son propriétaire, cependant, ne s'en souciait guère. Ce coffre était pour lui un symbole et remplissait son âme d'orgueil. Mais s'il concrétisait, aux yeux du gentil monsieur, sa dignité de rentier, il convient hélas d'ajouter qu'il stigmatisait également l'infamie de sa profession. Tous ceux qui ne connaissaient Séraphin Pervenche que superficiellement se plaisaient à saluer en lui un philanthrope digne de respect. Mais les malheureux qu'un sort néfaste contraignait à recourir à ses bons offices le considéraient, dès la première expérience, comme un usurier au cœur de pierre, plus avide qu'une sangsue et plus dangereux qu'un requin, car ce prêteur à la petite semaine était doublé d'un escroc. Le candidat au suicide devait bientôt, sans s'en douter, en faire l'apprentissage. Invité à entrer et à exposer son cas, il bafouilla lamentablement pour s'expliquer. « Je viens, dit-il en substance, de la part de votre neveu Pierrot, et il m'affirmait que vous pourriez me sauver. Ma femme est malade depuis longtemps déjà, il n'y a plus de chauffage à la maison et je suis en retard avec le terme. » Grave erreur de psychologie, c'était la dernière chose à avouer à l'usurier. Celui-ci, cependant, ne fit aucune remarque spéciale concernant cette lamentable déconfiture. Il se contenta d'interroger d'une voix brève « Où travaillez-vous ? » « Chez Merlin Frère, ceux qui fabriquent les boutons de Corozo. Comme quoi ? Je m'occupe de l'entretien des machines. Combien vous faudra-t-il pour vous sortir de l'embarras ?» L'homme hésita longtemps, finalement il avança un chiffre avec appréhension. « 70 000 ! » Le rentier philanthrope prenait des notes. Il consigna par écrit l'identité du candidat débiteur, son adresse, ses références. Il lui posa des questions sur sa situation de famille, puis, arborant un sourire encourageant, il affirma « Je pense que cela pourra s'arranger. » Une indicible expression de délivrance éclaira, pendant l'espace de quelques secondes, le visage hâble de son interlocuteur. Elle traduisait le sentiment que de ressentir un naufragé en apercevant une bouée de sauvetage à sa portée parmi les vagues d'un océan déchaîné. Cette joie, cependant, fut courte, car déjà l'usurier articulait froidement « Dès que vous m'aurez versé 2 000 francs destinés à couvrir les frais administratifs, j'ouvrirai un dossier et ferai procéder à l'enquête habituelle. Si ce que vous m'avez dit est confirmé, la solution pourra intervenir dans les 3 jours. » M. Pervenche pratiquait toujours avec succès le système de la douche écossaise. « Il me faudrait l'argent tout de suite, » gémit le malheureux. « Les petits n'ont plus rien à manger, et ma femme ?» « Adressez-vous au bureau de bienfaisance, mon cher. Moi, je suis rentier. C'est toujours avec plaisir que j'oblige mon prochain, mais j'ai été roulé tant de fois que je me vois obligé de m'entourer d'un minimum de précautions afin de défendre mon capital. Avez-vous les 2 000 francs sur vous ? 1 800 seulement, avoua l'épave. Votre neveu, donnez. Mais donnez-vous, dis-je, je vous ferai crédit pour le solde. Votre cas m'aime profondément, j'effectuerai l'enquête immédiatement et vous serez fixé dès demain soir. » L'homme n'hésita plus, il tira de sa poche un portefeuille fatigué, en sortit quelques billets et les remit à M. Pervenche qui s'en empara, sans même se donner la peine de vérifier si le compte était exact. « Je ne vous fais pas de reçu, » affirma-t-il avec une onctueuse conviction, « car j'aime travailler en pleine confiance. Je ne réclame aucun intérêt, en un mot je ne prête pas, comprenez-vous, j'aide. « Je suis un philanthrope. Enfoncez-vous bien cela dans la tête. À demain. Bonsoir, mon ami. » Et le candidat au suicide s'en fut, enchanté de l'accueil cordial de ce bourreau bienfaisant qui venait de lui extorquer ses derniers sous en attendant de lui manger son salaire durant des mois. La belle môme distinguée lui succéda. Elle aussi venait de la part du secourable neveu, de ce Pierrot qui paraissait tenir une place importante dans l'activité du rentier. Elle avait un enfant en nourrice et éprouvait des difficultés à payer sa pension. On la menaçait de lui renvoyer le moutard, ce qui eût été catastrophique, car elle exerçait une profession itinérante aux environs de Barbès-Rochechouart. M. Séraphin prit des notes, se fit prometteur, rafla quelque argent, et comme il ne méprisait pas la bagatelle, à ses moments perdus, et en dehors de ses heures d'activité professionnelle, il donna rendez-vous à la femme le matin suivant sur les lieux macadamisés de ses occupations, afin de ne pas lui faire perdre le bénéfice d'une opération lucrative. Vraiment, M. Séraphin était un homme délicat et plein d'attention. Les épaves humaines se suivaient. Un peintre en bâtiment se vit contraint de souscrire 100% d'intérêt pour le renouvellement à 3 mois d'une traite en retard. Et avec satisfaction, le curieux rentier reçut enfin son dernier client. C'était un grand garçon, au masque réjoui, aux cheveux gominés, à l'élégance tapageuse. Il pouvait avoir entre 25 et 28 ans, et il cligna de l'œil, tandis que le prêteur à la petite semaine le salua cordialement. « Salut, Pierrot, » fit M. Pervenche, jovial. « Assieds-toi, nous allons faire nos comptes sans tarder. Je suis heureux d'en avoir terminé avec les affaires, car je me sens éreinté. » Après s'être serré la main avec effusion, l'oncle et le neveu, l'usurier et son démarcheur alignèrent des chiffres en silence, et la suite de calculs rapides, aussitôt approuvée, un certain nombre de billets chiffonnés passa du sous-main du prétendu philanthrope dans la poche de son fidèle collaborateur. « Alors, mon oncle, » s'informa poliment ce dernier, « la santé n'est pas brillante. »« Je couvre une grippe, » annonça lugubrement le rentier en réfrénant avec difficulté une quinte de toux qui confirma ses pronostics pessimistes. « Faut vous faire transpirer à bloc et prendre de l'aspirine. » « Je viens précisément d'en acheter, ainsi que du tilleul et un somnifère. Mettez-vous au lit, je vous borderai. Je vais également vous chauffer une bouillotte afin de bassiner votre lit. » L'usurier accepta ces propositions dictées par un esprit de famille digne d'éloge. Il pénétra dans les 3 réduits qui attenaient à son cabinet de travail et lui tenaient lieu de chambre à coucher. « Tonnerre, qu'il fait froid ici » bougonna-t-il. « Fermez soigneusement la fenêtre et laissez la porte ouverte, mon oncle. » La chaleur de votre bureau aura tout fait de tempérer la crudité de votre alcôve. » Quelques instants plus tard, après avoir, ainsi qu'il en avait fait la promesse, emmitouflé le gentil monsieur dans 3 couvertures, lui avoir fait absorber tes cachets avec la tendresse d'une mère attentive, le dévoué neveu se retira en embrassant affectueusement son parent. Il se trouvait déjà sur le palier antichambre lorsqu'un appel le fit se retourner. Précisément au même instant, la concierge descendait de l'étage supérieur. Il entendit distinctement la voix de Séraphin Pervenche. « Tu as laissé le poêle à gaz allumé, hein, Pierrot ? Je crève de froid. Oui, mon oncle. » « Oui, » affirma à son tour Mme Blanchette qui voyait elle aussi les flammes colorées danser dans l'âtre. « C'est bien. Ferme un double tour et passe la clé sous la porte. » Et le philanthrope, qui avait reconnu la voix enrouée de sa pipelette, ajouta avec aménité « Bonsoir, vous deux. » Alors, approuvé par la grosse femme qui suivait chacun de ses mouvements, Pierrot s'exécuta, et sur la fente de la lourde porte de chêne qui désormais séparait M. Pervenche du restant de l'humanité, il fit glisser la clé que l'on entendit heurter le pied du bureau en acajou plaqué. « Pourriez-vous me dire, madame, si mademoiselle Zizi, du 5e, est déjà entrée ?» s'enquit poliment le jeune homme en se tournant vers la concierge. « Il y a tout juste 10 minutes. »« Je m'en vais alors lui dire un petit bonsoir, » fit-il en clignant de l'œil.